إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 11 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin bidarar qa'idat al-ma'zirah wa al-ta'awun. Et on répond à une règle qui est utilisée par beaucoup parmi les hizbiyin et les ikhwan, qu'ils s'excusent dans leurs erreurs et qu'ils travaillent ensemble dans ce sur quoi ils sont d'accord, et dans les choses sur lesquelles ils divergent, ils s'excusent les uns les autres. Sans spécifier et sans mentionner de toute façon est-ce que ces divergences-là sont des questions dans les croyances, dans les fondements, dans les principes de la religion, ou bien que ce soit dans les questions d'ijtihad ou autres. Donc on va continuer donc avec l'explication. La semaine passée on terminait en expliquant que al-ihtijaj ou bil-ikhtilaf, on disait que les ulama ont expliqué que ceux qui utilisaient la divergence comme étant une preuve, c'était des gens qui n'avaient pas de compréhension, ni de connaissance, ni de preuve en ce qui concerne la religion. Parce que la divergence, ce n'est pas une preuve en soi. Et donc le cheikh ici il continue en disant Zindiqun man yahtajju bil khilaf. Zindiqun man yahtajju bil khilaf. Il dit la personne qui se base sur les divergences pour essayer de défendre ce qu'il dit ou ce qu'il fait, eh bien, ça peut l'amener à une hérésie. Ça peut l'amener à l'hérésie. Ça peut l'amener à devenir un zindiq. Un zindiq, c'est un mot qui exprime une forme d'hypocrisie ou de déviation cachée chez une personne, mais qui apparaît parfois dans une personne, puis à chaque fois il se repent. Donc Zindiq, c'est celui qui a un ifaq en lui, puis qui se repent à chaque fois et qui revient tout le temps avec son hypocrisie. Donc on l'appelle Zindiq. Et donc il mentionne un exemple à ce sujet-là. Il dit Zindiq huwa Ahmad ibn Yahya ibn Ishaq Abu al-Husayn ibn al-Rawandi. ترجم له بعض العلماء ليعرف قدر كفره وإلحاده والعياذ بالله. قال ابن الجوزي إنما ذكرته ليعرف قدر كفره، فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة. ويذكر أن أباه كان يهوديا وأسلم هو، فكان بعض اليهود يقول للمسلمين لا يفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، إلى آخره. وابن الرواندي هذا كان إذا جادل في حكم السماع احتج على مخالفيه بوقوع الخلاف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الرواندي قال إنه اختلف الفقهاء في السماع، فأباحه قوم وكرهه قوم، وأنا أوجبه وآمر به. Donc ça c'est à ce sujet. Donc le cheikh il explique que parmi les gens qui ont été déclarés comme étant des zanadiqa, hein, le pluriel de zindiq, c'est zanadiqa. Donc parmi les gens qui ont été déclarés zanadiqa, il y a un homme qui s'appelait Ahmad ibn Yahya ibn Ishaq Abu al-Hussein ibn al-Rawandi. Et il y a des ulama qui ont donné sa biographie pour que les gens sachent à quel point il a mécru et à quel point il a dévié dans la foi, que Allah nous en protège. Et le cheikh il dit que Ibn al-Jawzi, l'imam Ibn al-Jawzi, il a parlé de lui dans Al-Muntazam et dans, également dans un autre livre on parle de lui dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, et on parle de lui dans Lisan al-Mizan et dans Majmu' al-Fatawa. Et Cheikh Al-Albani, il parle de ça également dans son livre sur l'interdiction des instruments de musique également, Tahrim alat al-Tarb. Donc, il mentionne, Ibn al-Jawzi, qu'est-ce qui a été mentionné à son sujet. Il dit, j'ai mentionné cet homme-là uniquement pour que vous sachiez l'étendue de sa mécréance, hein, la gravité de sa mécréance, parce que c'est quelqu'un qui est une référence pour les égards, les gens déviés et les hérétiques. Et on mentionne que son père était juif. Et lui, il s'est converti, et il y avait quelqu'un juif qui disait aux musulmans à son époque que celui-là ne vous corrompt pas votre livre comme son père avait corrompu pour nous la Torah. Donc ça, c'est ce que l'imam Ibn al-Jawzi mentionne. Puis ensuite il dit, Ibn al-Rawandi, celui-là, lorsqu'il débattait à propos de la musique, et à propos de As-Sama', qu'est-ce qu'on appelle As-Sama', c'est As-Sama', c'est qu'est-ce que les soufis appellent en fait quand ils font leur chant et leur musique soi-disant islamique, hein, ils appellent ça As-Sama'. Et ils incluent la musique là-dedans. Donc, eux, ils se basent justement sur le, ils se basaient sur le fait que il y avait une divergence. En fait, ils essayaient d'utiliser la divergence comme une preuve pour permettre la musique et même parfois pour l'ordonner. Hein, comme le cheikh il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là dans Majmu' al-Fatawa. Au volume 11, à la page 570, Ibn Taymiyyah, il dit, Abu Abdurrahman al-Sulami, il dit au sujet de As-Sama', selon Ibn al-Rawandi, qu'il a dit, les savants ont divergé, ou les fuqaha, les savants de fiqh ont divergé au sujet de As-Sama', au sujet de la musique, ou de qu'est-ce que les gens écoutent, et un groupe l'ont rendu mubah, ils l'ont rendu permis, tandis qu'un autre groupe l'ont détesté. Et moi, en ce qui me concerne, je l'ordonne. Donc ça, c'est pour montrer comment il utilisait la question des divergences comme étant une preuve. Et puis, il essayait de rendre les choses halal en disant que ces choses-là étaient... étant donné qu'il y avait une divergence, comme si pour essayer de dire que la divergence était une preuve pour dire que les choses étaient permises. Ensuite, il y a un autre chapitre que le chef, dans lequel il explique un autre point. Ta'lil al-ahkam al-fiqhiyya bil-khilaf. Donc, le chef, il dit que al-khilaf bayna al-madhahib al-arba'a. Hein? Bon, moi, ça, c'est moi qui ai rajouté ce point-là. Al-khilaf bayna al-madhahib al-arba'a. C'est juste une note que j'avais écrite pour pas oublier, parce que j'avais envie de faire un rappel à ce sujet-là. Il y a beaucoup parmi les gens qui appellent à la divergence, appellent à dire que c'est correct de diverger entre les musulmans, puis qu'ils acceptent tout le monde selon leur, peu importe leur divergence, ils les acceptent, même si c'est des divergences dans les bid'a et dans les croyances de bid'a et dans des choses qui sont contraires à la sunna. Et parfois on les voit aussi qui défendent soi-disant le fait qu'on doit obligatoirement suivre un madhab, puis quand ils parlent au sujet des salafis, ils disent, ah mais ces gens-là, ils ne suivent pas une des quatre écoles, hein, et donc ils appellent à ne pas suivre une des quatre écoles, ou des choses de ce genre. Et eux, ils prétendent que il y a des divergences entre les quatre écoles, puis toi tu suis une des quatre écoles et ça y est, c'est fini maintenant. Même s'il y a des divergences, c'est pas grave parce que toi tu vas toujours suivre l'opinion qui est dans ton école ou dans ton madhab à toi. Et ça c'est une attitude qui est incorrecte et contraire au manhaj des salafs salih. Parce que les salafs eux-mêmes ont ordonné aux gens de suivre la vérité, de suivre la preuve, peu importe le madhab. Et les imams eux-mêmes ont interdit aux musulmans de suivre aveuglément un savant et de les suivre eux-mêmes aveuglément. Ils disaient aux gens de suivre la preuve. Ils disaient aux gens de suivre le hadith. Ils disaient « إذا صح الحديث فهو مذهبي » Si le hadith il est sahih, alors c'est ça mon madhab. Et en même temps aussi, pour répondre aux gens qui défendent ces idées-là, qu'on doit suivre un madhhab aveuglément, et puis que si tu prends n'importe quelle position dans un madhhab, alors t'es correct. Il faut savoir aussi également que dans chacun des quatre madhhab, il y a des divergences à l'intérieur même du madhhab. Dans chacun des quatre madhhab, que ce soit le madhhab de Abu Hanifa, ou de Malik, ou de Shafi'i, ou de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, ou bien des autres imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, quand ils ont des questions au sujet des ahkam et des choses de ce genre, souvent ils ont une divergence entre eux, et même parfois à l'intérieur d'un même madhab, tu peux trouver différents savants qui s'attribuent ou qui disent qu'ils font partie de ce madhab, qui ont des divergences d'opinion dans leur jugement eux aussi. Et tu peux trouver dans un même madhab parfois trois positions. Tu peux trouver dans un même madhab parfois quatre positions différentes ou même plusieurs. Donc c'est pour dire que même à l'intérieur d'un madhab, tu peux trouver divergence. Et même il y a dans des cas de divergence à l'intérieur du madhab, comment ils font pour savoir quelle position ils vont suivre, hein? Si par exemple l'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i avait eu plusieurs opinions lui-même durant sa vie, laquelle ils vont suivre. Donc il faut qu'ils retournent à la preuve et aux références pour savoir quelle opinion et quelle position ils doivent suivre, pour trancher à l'intérieur même des madhahib et à travers les différentes opinions des savants de chaque des différentes opinions à l'intérieur des madhahib, des différents shuyukh qui ont des divergences. Et il y a des fois, vous allez même trouver que l'imam du madhab, celui à qui on attribue cette école, comme par exemple l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmad ou l'imam Abu Hanifa ou d'autres, ils ont eu une position dans leur madhab, puis tu vois par la suite des shuyukh qui sont venus par la suite, qui disent qu'ils suivent cet imam-là, qui ont des opinions contraires à l'opinion du cheikh et de l'imam à qui on attribue cette école. Et ils disent, ça c'est l'opinion du madhab, malgré que c'est une opinion qui est contraire à l'opinion de celui à qui on attribue cette école, ou ce madhab. Donc c'est pour montrer parfois que, même dans ce cas-là, si ces gens-là, ils disent qu'ils veulent suivre aveuglément un madhab, quelle position dans le madhab ils vont suivre et sur quoi ils vont se baser pour dire que cette opinion c'est la position du madhab, si ce n'est pas en retournant aux preuves. Et si on peut appliquer cette parole-là à l'intérieur des madhahib, eh bien on doit se poser la même question au sujet des madhahib entre eux également. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des divergences entre les madhahib aussi? Eh bien, c'est la même chose. On doit retourner au manhaj des salafs à ce sujet-là pour essayer de savoir où sont les divergences et comment trancher entre ces divergences-là. Et le cheikh il dit « Al-muttali'u ala kutub al-fuqaha yajidu ba'dahum ahyanan » يجد بعضهم أحيانا يعلل الأحكام الشرعية بالخلاف ربما نجد أحدهم يقول بكراهة الشيء لبعض العلماء بقول التحريم وغيرهم قالوا بالإباحة فيقول بالكراهة بالكراهة خروجا من الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر ولطلب الاحتياط. فمفهوم كلام شيخ الإسلام أن الراسخ في العلم لا يقع ذلك منه، أما من لم يكن كذلك فإنه لا يعرف الصواب. أن الراسخ في العلم لا يقع منه ذلك منه، أما من لم يكن كذلك فإنه لا يعرف الصواب من الخطأ في هذه المسألة، ولم تحصل له ثقة ولا طمأنينة في أحد الأقوال، فلم يتبرهن له الحق في هذه الأقوال، فيسلك هذه الطريقة خروجا من الخلاف. Donc le cheikh il dit donc que parfois quand on lit dans certains livres de fiqh, on retrouve certains fuqaha qui vont donner comme raison pour établir un verdict le fait qu'ils veulent sortir de la divergence. Et tu vas trouver parfois certaines personnes qui vont dire que quelque chose est détestable parce que certains savants ont dit que c'était haram et d'autres ont dit que c'était permis. D'autres ont dit que c'était mubah. Alors lui, pour sortir de la divergence, il dit que c'est makruh, que c'est détestable. Hein, pour se mettre entre les deux, soi-disant, pour sortir de la divergence. Et c'est ça ce que le cheikh a expliqué en expliquant le titre de ce point, Ta'lil al-ahkam al-fiqhiyya bil-khilaf, c'est-à-dire tu vas émettre des verdicts au sujet de la sharia dans le fiqh en te basant sur la divergence pour l'établir, hein, soi-disant pour sortir de la divergence. Et il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah par l'intermédiaire d'un livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans son livre Majmou' Rasa'il al-Fiqhiyya à la page 55. Donc il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah qui dit que de donner comme raison dans les verdicts de la sharia la raison de la divergence, c'est une fausse raison, hein, à donner pour justifier un verdict dans la sharia. Parce que la divergence ne fait pas partie des descriptions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé les verdicts de la sharia. Et pourquoi? Parce que le prophète, c'est quelque chose qui est arrivé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les divergences sont arrivées après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on ne peut pas dire que ça fait partie des choses par lesquelles on détermine les raisons d'un verdict. Et le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah a dit donc que celui qui suit cette voie-là pour déterminer un verdict dans la sharia, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas connu les preuves de la sharia en même temps. Et il a essayé de prendre la voie de, comme on dit, al-ihtiyat, c'est-à-dire yani tu veux sortir du doute, alors tu prends un chemin qui te rapproche de qu'est-ce que tu penses être plus correct ou plus certain, ou pour éviter le doute. Le cheikh il dit معلوم فمفهوم كلام شيخ الإسلام أن الراسخ في العلم لا يقع ذلك منه. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la parole de Cheikh al-Islam? Le Cheikh il dit ici qu'est-ce qu'on peut comprendre des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là? C'est que la personne qui est fermement ancrée dans la science, pour lui, ça, il ne va pas faire un verdict en se basant sur la raison. Hein, il ne va pas essayer de justifier son verdict en se basant sur le fait qu'il y a une divergence. Ça va uniquement se faire ou se produire de la part de la personne qui ne connaît pas la vérité ou la position correcte au sujet de cette question-là. فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الصَّوَابِ مِنَ الْخَطَاءِ. Il ne sait pas laquelle des deux positions est bonne ou incorrecte, hein, qui est correcte ou incorrecte. Donc, étant donné qu'il ne sait pas laquelle des deux est correcte, eh bien, il va prendre une position entre les deux, puisqu'il n'a pas eu il n'est pas disons en confiance vis-à-vis d'aucune des positions différentes et la vérité ne lui a pas été clarifiée à ce sujet-là, donc il prend cette méthode-là ou cette voie-là pour essayer de sortir de la divergence. Donc ça c'est quelque chose qui se produit de la personne qui n'entre pas ou qui ne fait pas partie des savants qui sont fermement ancrés dans la science. Donc ça c'est la parole du cheikh ici Hamad Ibn Ibrahim. Ensuite il mentionne les paroles de Cheikh Salih Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin dans Sharh Al-Mumti' Al-Azad Al-Mustaqni' le volume 1 à la page 52. Il dit قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين إن التعليل بالخلاف لا يصح لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية وهذا لا يستقيم فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية ليس علة شرعية ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف لأن التعليل بالخروج من الخلاف وهو التعليل بالخلاف بل هو التعليل بالخلاف بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc c'est ça. Le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, on va le relire encore une fois. Inna ta'lila bil khilaf la yasih, li'annana law qulna bihi, la karihna masa'ila kathira fi abwab al-ilm, li kathrat il khilaf fi al-masa'il al-ilmiya. Wahada la yastaqim. Fa ta'lilu bil khilaf laysa illatan shar'iyya, wa la yuqbalu ta'lil bi qawlika خروجا من الخلاف لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه لا لأنه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أوكي. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici, il clarifie un petit peu plus cette question-là. Et il dit donc que d'utiliser la divergence comme raison pour émettre un verdict dans la charia, comme si on faisait un verdict en se basant sur le fait qu'il y a un khilaf pour sortir du khilaf, si on disait ça, si on se basait sur cette parole-là et cette idée-là, ça voudrait dire qu'on devrait rendre makruh plein de sujets dans les questions de la science islamique. Étant donné qu'il y a beaucoup de divergences dans les questions qui sont reliées à la science, et ça, c'est pas correct, ça peut pas tenir. C'est pas une voie qui est droite. Donc, d'utiliser la divergence comme une raison, ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable selon la charia. Voilà, yuqbal al-ta'lil bi qawlika, et on ne peut pas utiliser ou accepter comme raison le fait que tu dises pour sortir de la divergence. Parce que d'utiliser ça comme raison pour sortir de la divergence, c'est d'utiliser la divergence comme une raison ou comme une excuse pour émettre un verdict dans la charia. Donc le cheikh il dit que s'il y a une divergence qui est basée sur quelque chose de qu'on peut considérer dans la charia par rapport aux preuves et que on voit que les preuves peuvent impliquer ou supporter le fait que la chose est makruh, alors là dans ce cas-là on va dire que la chose elle est makruh non pas par rapport au fait qu'il y a la divergence mais par rapport au fait que les preuves impliquent ce verdict-là. Donc, ça va faire partie, ça va rentrer dans les choses qui rentrent dans la règle ou dans le principe. Laisse tomber ce qui te met des doutes ou ce qui te met en position de doute pour ce qui ne te donne pas de doute, ou ce qui n'a pas ce, la chose qui n'a pas de doute. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Ou bien on peut traduire en disant, laisse tomber ce qui te fait douter, et pour ce qui ne te fait pas douter. Hein? Donc va vers la certitude. Et dans ce sens-là, si tu utilises ça comme règle, pour justifier ton verdict, et tu te bases sur les preuves, dans ce cas-là, c'est correct. Mais tu ne peux pas utiliser le prétexte qu'il y a, par exemple, tu dis, bon, la raison, là, pour sortir de la divergence, je dis que c'est makruh. Ah non, mais dans ce cas-là, ça, c'est pas correct. D'accord? Il faut le faire par rapport aux preuves, et non pas par rapport au fait que c'est basé sur une divergence ou qu'il y a une divergence, et donc tu fais ton verdict en te basant là-dessus. Donc ça, c'est la fin de ce sujet-là. Et ça, c'est le cheikh, il dit, regarde dans Irwa al-Ghalil. Le cheikh, il dit, regarde dans Irwa al-Ghalil, le hadith 4702 au sujet du hadith d'A'ma yaribuk, ila ma la yaribuk, si tu veux savoir le hukum au sujet de ce hadith. Dans Irwa al-Ghalil de Cheikh al-Albani. 4702, c'est le numéro du hadith dans Irwa al-Ghalil. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل المسألة ونأخذ منه حكما وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. Donc c'est ça que le cheikh il résume encore une fois. Si le khilaf est basé sur quelque chose qui repose sur des preuves et qu'on doit qu'il y a une preuve et qu'on doit analyser ça, donc on a dit on se base sur les preuves et non pas sur le fait qu'il y a une divergence et qu'on veut sortir de divergence. Donc on prend, c'est pas toute divergence qui doit être prise en considération, mais il y a uniquement certains parmi les divergences qu'on doit analyser pour essayer de voir lesquelles sont justement basées sur des preuves, ainsi de suite. Donc on ne base les verdicts de la charia que sur les preuves. Et le fait de prendre en considération la divergence, ça c'est pas une preuve par laquelle on peut établir un verdict dans la charia et qu'on puisse dire, par exemple, par rapport à cette divergence-là, bon, étant donné qu'il y a une divergence, on va dire que c'est macro. Donc ça, c'est pas une bonne attitude. Et parfois, les gens utilisent ça pour dire, bon, il y en a qui ont dit que c'est haram, d'autres qui ont dit que c'est halal, nous, on va dire que c'est macro, on va se mettre entre les deux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ce soit basé sur les preuves, non pas sur ni le fait qu'on veuille sortir de la divergence. Ensuite, il y a un autre point que le cheikh a mentionné à ce sujet. Il dit « An-niza'u fil ahkam ». C'est-à-dire les divergences au sujet des règles qu'on peut émettre au sujet de la charia. Hein, les verdicts de la charia, comme par exemple, est-ce que c'est halal ou haram, est-ce que c'est makruh ou mubah, hein, ou wajib, ainsi de suite. الشيخ يقول مسائل الأحكام يسميها بعض العلماء مسائل الفروع وليس هذا محل مناقشة جواز هذه التسمية أو منعها وقد توسع بعض العلماء في مسائل الأحكام وصار يرخص في الاختلاف فيها ما لا يرخص في مسائل العقائد وهذا تحكم لم يكن عليه دليل لأن الكل شرع من عند الله بل إن الأحكام لها تعلق بالعقيدة من وجه فلا بد أن نعتقد في أحكام الله ما حكم به الرب سبحانه وتعالى فيها من حلال وحرام مع انشراح صدر لهذا الحكم وإذعان وخضوع وتسليم له والحلال والحرام يحتاجه كل الناس في كل يوم وفي كل يوم ووقت بل به تستباح الأبضاع وتحرم النساء و إلى آخره من أجل هذا قال شيخ الإسلام عن علم الحلال والحرام هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام. Donc le cheikh il dit que les questions qui ont rapport avec les verdicts de la charia, certains ulama ils les ont appelés les questions de furu. Et on ne veut pas débattre ici est-ce que cette appellation là est permise ou non, hein, de diviser la religion en fondements et en furu, c'est-à-dire principes découlant de ces fondements ou des principes secondaires ou yani al-furu. Si vous voulez traduire le mot furu littéralement pour vous donner une meilleure idée ou meilleure compréhension, al-asl on dit c'est la base de quelque chose, et al-far ils définissent en disant que c'est qu'est-ce qui est basé ou qu'est-ce qui est établi sur la base, hein, qu'est-ce qui se tient sur la base. Et ils comparent ça souvent, les ulama, quand ils donnent cette définition-là, en disant ou en comparant le tronc de l'arbre par rapport à ses branches. D'accord? Donc la base c'est le tronc, puis les branches c'est donc la base, le tronc ce serait al-asl et les branches ce serait al-furu. Donc ça c'est pour donner une illustration de ces termes-là, comment on les utilise. Donc il y en a qui divisent la religion de cette manière, usul et furu. Et il y en a certains ulama qui ont qui se sont un petit peu qui ont laissé un petit peu de lousse là, un petit peu d'espace, hein, ils ont élargi les choses un peu trop. Et ils en sont allés jusqu'à rendre acceptables les divergences qui sont dans les questions de furu, dans les questions des règles de la charia, tandis que les divergences qui sont au sujet des croyances, ça, ils disent que ça, c'est pas correct. Hein, comme ils font une division entre les questions de croyances et les questions de pratique religieuse ou les ahkam comme ils les appellent, et ils disent que ça c'est arbitraire. Les gens qui ont divisé la religion de cette manière là, ils ont divisé la religion d'une manière arbitraire sans aucune preuve. Ok, c'est à dire ils ont fait cette division là eux-mêmes sans ramener aucune preuve de la charia à ce sujet là pour diviser les deux, parce que en principe toute la charia en entier vient d'Allah, que ce soit les croyances, que ce soit les règles, tout en entier vient d'Allah. Donc pourquoi distinguer entre les croyances et qu'est-ce qui n'est pas les croyances, hein? Et de dire que dans la croyance, c'est interdit de diverger, mais dans les autres choses, c'est pas interdit. Donc de faire cette division-là, c'est arbitraire. Et le chef, il dit donc que toute la religion en entier vient d'Allah. Et tout est basé sur la charia qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les règles de la charia sont reliées d'une certaine façon à la croyance aussi. Et donc, il dit le shirk que c'est obligatoire pour nous de croire que c'est obligatoire pour nous de croire au sujet des règles d'Allah que c'est il dit donc bal in al ahkam laha ta'alluq bil aqidah min wajh fala budda an na'taqid fi ahkam Allah ma hakama bihi ar-rabb fiha min halal wa haram. Donc il dit que toutes les règles qui viennent dans la charia elles viennent d'Allah, et donc il est obligatoire pour nous de croire ce que Allah a déterminé comme règle ou comme verdict au sujet de ces différents verdicts-là. C'est-à-dire, il faut croire que ces verdicts-là, c'est Allah qui les a déterminés. Ma anshirah sadrin li hada al-hukm. Et on doit avoir le cœur qui s'ouvre, qui doit être ouvert à ce verdict. On doit l'accepter, c'est ce que ça signifie. On doit être satisfait et accepter ce verdict-là comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'y soumettre, hein, et s'humilier devant ce verdict de la charia. Donc ça c'est notre attitude vis-à-vis des verdicts de la charia, que ce soit halal ou haram ou wajib ou makruh ou mubah, ainsi de suite. On doit se soumettre à ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, donc, comme c'est pour essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas faire une distinction en disant, par exemple, bon, les règles de la charia, ça, on peut diverger là-dedans, mais la croyance, on ne peut pas diverger là-dedans. Non, ce n'est pas vrai. C'est dans toute la religion en entier, on n'a pas le droit de diverger. Que ce soit les aqidah ou que ce soit les autres choses. Parce que la divergence n'est pas permis en général. Hein? Mais de faire cette division-là, c'est, comme il dit le cheikh, c'est arbitraire. Et que ce soit dans les questions de règles de la charia, il faut quand même croire que ça vient d'Allah. Et que c'est Allah qui a rendu quelque chose haram, ou quelque chose halal, ou quelque chose mubah, ou makruh, ainsi de suite. Et lorsqu'on a cru que ce verdict-là vient d'Allah, quand on a la preuve de la charia à ce sujet-là, eh bien, on doit avoir la soumission vis-à-vis de ce verdict-là. Le cheikh, il dit donc, al-halal et al-haram, tout le monde en a besoin. Tous les jours, à chaque instant, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Et c'est en se basant sur ces verdicts de la charia, en ce qui concerne le halal et le haram, c'est en se basant là-dessus, tous les jours, et à chaque instant, que on rend halal certaines choses, nous on haram d'autres choses. Par exemple, les rapports sexuels qu'on a avec notre épouse, ça c'est basé sur le halal et le haram, les règles qui sont déterminées par la charia. Et certaines femmes nous sont interdites et d'autres nous sont permises. Et ça c'est basé sur des verdicts de la charia, selon les principes établis par les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Et donc, vous imaginez, si on ne prend pas en considération ou si on ne donne pas une importance à qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Donc, le cheikh, il dit que, c'est pour ça que le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4, à la page 409, que la science de ce qui est halal et ce qui est haram, c'est un des fondements de la religion de l'islam. Et tout le monde en a besoin. Les gens particuliers comme les gens en général. Les savants comme les gens ordinaires. On a tous besoin de connaître le halal et le haram. Et il y a un petit point que j'aimerais faire ici, à cette partie-là, c'est que des fois vous avez des gens qui se mettent en colère ou se fâchent lorsqu'on parle des questions qui ont rapport avec le halal et le haram. Ils se mettent en colère à ce sujet-là et ils vont dire « Ah, mais vous ne parlez toujours que de halal et de haram. La religion, c'est pas juste le halal et le haram. Hein? » Et donc, ils s'opposent à ce verdict-là. Comme si, pour eux, en voulant dire que c'est pas bon de parler de ça, parce que ça va éloigner les gens et ça va les faire s'écarter de la religion. Ça va les faire fuir, soi-disant. Donc, ils disent, bon, il faut pas dire aux gens halal, haram tout le temps. Hein? La religion, c'est pas ça. La religion, c'est l'amour, la religion, c'est ci, la religion, c'est ça. Ça, c'est bien entendu, c'est des choukouhat, c'est des prétextes, hein, pour justement, parfois, laisser la porte ouverte aux gens pour qu'ils puissent faire ou suivre leur passion et faire ce qu'ils veulent, pour soi-disant les rapprocher ou soi-disant les attirer à leur groupe et à leur mouvement. Donc, vous trouvez souvent, parfois, dans les groupes de Hizbiyin, cette attitude, qu'ils vont avoir parmi eux des gens qui sont en train de commettre un péché sans aucune gêne, sans aucune honte, et ils le font ouvertement et publiquement, et ils vont rien dire contre ce péché-là. Ils ne vont même pas donner le bon conseil à cette personne-là pour lui dire que c'est haram. Ils vont faire semblant que tout est correct, hein, et ils vont dire à la personne comme si rien n'était, hein, ils ne vont pas dire rien à la personne pour lui dire, par exemple, tu sais ce que tu fais là, c'est pas permis, hein, tu devrais par exemple faire attention à telle ou telle chose. Non, aucune nasiha, rien. C'est juste parce qu'ils veulent que la personne soit avec eux, dans leur groupe, et ils veulent l'attirer, donc ils vont être gentils, ils vont lui faire des sourires, ils vont... Donc, je dis pas que c'est une question de dire que bon, il faut être méchant, il faut être dur envers tout le monde. Non, au contraire. Il faut utiliser la sagesse, l'exhortation, et utiliser la douceur, en général, parce que c'est la règle, hein. Mais c'est juste pour faire comprendre que il ne faut pas non plus agir d'une manière comme si on est satisfait de la personne dans son péché et puis qu'elle n'a pas besoin de se repentir ou de changer d'attitude ou de comportement, puis qu'elle ne doit pas se corriger elle-même. Parce que ça, c'est un autre extrême. Hein? C'est un autre extrême. C'est comme si on était en train de dire, « Ouais, c'est correct, tu peux désobéir à Allah, c'est correct. » On n'a pas de problème avec la désobéissance et avec le péché. Et ça, c'est pas correct d'agir de cette manière-là. Donc, il y en a qui disent, « Ah, oh, mais il faut pas juste, comme je disais tout à l'heure, il faut pas parler juste de halal et de haram aux gens tout le temps. Il faut leur commencer avec eux, parler de l'amour, parler de ci, parler de ça. » Et Yanni, ils doivent comprendre une chose. Comme le cheikh l'explique ici, tout le monde a besoin de savoir ce qui est halal et ce qui est haram. Et c'est une miséricorde pour nous que Allah nous ait enseigné ce qui est halal pour nous et ce qui est haram pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas enseigné le halal et le haram comme une punition. Il nous enseigne le halal et le haram, c'est pour notre bien. C'est pour éviter justement qu'on puisse tomber dans quelque chose qui va nous faire du mal et qui va nous égarer du droit chemin. Et c'est triste de voir que des gens, lorsqu'on dénonce le haram, hein, et lorsqu'on appelle les gens à s'écarter du haram, on remarque que de la part de certaines personnes une désapprobation, et puis comme si ça les dérange le fait qu'on explique aux gens ce qui est haram. Ah mais non, il faut pas, tu rends la religion dure pour les gens, tu les fais fuir. Non, c'est pas une question de rendre la religion dure pour les gens et de les faire fuir. La question c'est de les protéger, de leur donner une connaissance qui va leur permettre de se protéger, de tomber justement dans ce péché-là, et en même temps d'établir la preuve pour eux, pour qu'ils soient au courant du verdict de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé à ce sujet-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des prophètes et des messagers, que il dit وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Le devoir de, il n'incombe aux messagers que de transmettre de façon claire la religion. Donc il faut faire en sorte que la religion soit transmise et que les gens, la preuve soit établie contre eux aussi, et qu'ils doivent connaître le verdict de l'islam et de la charia. Et parfois même si les gens par exemple ne vont pas appliquer le verdict tout de suite sur le champ lorsqu'on va leur donner ou lorsqu'on va leur expliquer, mais le simple fait que ces gens-là soient au courant du verdict de la charia, eh bien, ça fait en sorte qu'au moins, même s'ils ne l'appliquent pas tout de suite directement, le fait qu'ils aient la connaissance de ce verdict, ça fait en sorte qu'ils sont capables d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur avec la connaissance qu'ils viennent d'acquérir au sujet de l'interdiction. Dans le sens que, du moment qu'ils savent que cette chose-là est haram, ils vont commencer dans leur cœur à avoir une haine ou à détester ce mal et cette chose qui est haram, même si ils le sont encore en train de le faire. Mais ils vont quand même savoir dans leur cœur que, oui, cette chose, je le fais, mais je sais que c'est haram. Et donc, dans ce cas-là, je vais essayer de faire mon possible pour m'en écarter. Même si maintenant je suis en train de le faire, mais je vais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais me repentir de ce péché-là que je suis en train de faire. Hein? Et il commencera peut-être même à avoir des remords. Hein? Et il va faire la dénonciation de ce péché-là avec son cœur. Donc, c'est déjà un début de ça, qui fait partie de la foi. Hein? Tandis que si la personne est dans l'ignorance et qu'elle est en train de le faire, ça c'est... c'est grave parce qu'elle ne peut même pas dénoncer ce mal-là, elle ne sait même pas que c'est haram. Hein? Et donc ça c'est l'égarement. Et le mal que la personne peut faire lorsqu'elle n'est pas au courant du verdict, eh bien c'est grave. Donc le fait de le savoir, ce sera toujours mieux pour la personne. L'ignorance c'est jamais bon, hein? C'est jamais bon de l'avoir, et même que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, hein, nous dit, on voit dans l'exemple de ses prophètes, ils disent قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. Je demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi ceux qui ont de l'ignorance. Donc ça c'était juste un commentaire en passant à ce sujet-là. pour faire comprendre aux gens l'importance de connaître qu'est-ce qui est halal et ce qui est haram, et de ne pas penser ou de ne pas avoir peur d'expliquer aux gens le halal et le haram, et de leur faire savoir que c'est pas quelque chose qui est mauvais d'enseigner ça aux gens, ou qu'il faut pas en parler soi-disant parce qu'on veut attirer les gens. Ça, c'est pas un bon prétexte. Il faut attirer les gens dans le sens que tu les appelles à la vérité, tu leur clarifies le haq, et avec douceur et avec sagesse, hein, et avec gentillesse. Oui, ça c'est correct, il n'y a pas de problème, sauf qu'il ne faut pas non plus cacher la vérité ou bien dire déformer la religion pour faire plaisir aux gens. Okay. Après, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans al-Muwafaqat. L'imam al-Shatibi, c'est un imam qui écrit d'une manière vraiment mashallah, son arabe et sa façon d'écrire, c'est vraiment mashallah très très fort, un autre niveau. Donc on fait son possible pour traduire ses paroles. Si des fois je vois qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, je fais juste un résumé en gros de qu'est-ce qu'il dit. Sinon, il faut retourner à l'expression elle-même dans le livre, comme le cheikh il mentionne ça dans le Muwafaqat, le volume 4 à la page 131. Il dit ici: فَتَبَتَ أَنَّهُ لَاخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الشَّرِيعَةِ ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها، إذ لو صح فيها فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق، لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف، وذلك معلوم البطلان فما أدى إليه مثله. Donc ici le cheikh il dit: n'y a pas de divergence. C'est confirmé, c'est affirmé que il n'y a pas de divergence dans le fondement de la charia. À la base, la charia, il n'y a pas de divergence dedans. Et elle n'a pas été mise, la charia n'a pas été mise pour qu'il y ait des divergences à la base. Hein? Ça ne fait pas partie des buts et des objectifs de la charia. C'est-à-dire la divergence, c'était pas un objectif de la charia. Hein? Parce que la divergence, elle retourne à quoi? Elle retourne au point de vue, aux différents points de vue, aux différentes analyses des mukallafin, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de cette charia, qui sont ordonnés de la respecter. Hein? C'est à là que reviennent les divergences, et non pas à la charia elle-même. وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، et ça revient également à qu'est-ce qui se rattache aussi à qu'est-ce qui les atteint comme épreuve, hein, et difficulté ou épreuve dans leur vie, ainsi de suite. Donc صح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم. On peut dire à la base que c'est vrai que la charia, elle nie la divergence et elle blâme la divergence de façon générale dans ses fondements et dans ses principes qui en découlent. En général, dans la charia, la divergence, c'est quelque chose qui est blâmé, quelque chose qui est rejeté et nié. Et le cheikh il dit: ولو صح فيها فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق. Il dit que si on pouvait dire, hein, si c'était correct de dire que la divergence est acceptée dans une des branches de la charia, dans ce cas-là, et que ça a été établi ou dans le but de qu'il y ait une divergence, si on disait ça au sujet d'une branche, on pourrait le dire dans ce cas-là au sujet de toutes les de la divergence en général, hein, parce que si c'est permis de diverger dans une branche, alors toutes les divergences sont permises dans ce cas-là. Et ça, c'est connu, et ça, c'est clair que c'est quelque chose de faux. Parce que le résultat de ce raisonnement-là est faux. Donc, si le résultat est faux, ce qui nous amène à ce résultat-là, il est faux lui également. Hein? Comme les savants, ils disent « Ma bunya ala fasad fahuwa fasad ». Hein, ça, c'est un principe aussi que les gens disent. Qu'est-ce qui est basé sur quelque chose de corrompu et de faux à la base? Eh bien, il est faux en lui-même. Parce qu'il découle de quelque chose qui est erroné à la base. Donc, si on dit, c'est pour ça qu'il dit, si on permettrait qu'il y ait, que ce serait permis de diverger dans une des bases ou un des principes qui découle de la charia, dans ce cas-là, on pourrait le dire également de la charia en général. Et ça c'est faux. Ce serait faux. Donc, si c'est faux de le dire d'une façon en général, ça prouve que de le dire dans une branche aussi, c'est faux aussi. On va lire maintenant les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans As-Sawa'iq al-Mursala, le volume 2 à la page 564. Il dit, قال Ibn al-Qayyim, ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة نصا أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء بل فيهم المصيب والمخطئ فالكلام فيما سموه أصولا وفيما سموه فروعا ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمر وغير مطابق فالقائل في الشيء حلال والقائل حرام فالقائل في الشيء حلال والقائل حرام وفي إصابة أحدهما خطأ الآخر وفي إصابة أحدهما خطأ الآخر كالقائل أنه سبحانه يرى والقائل أنه لا يرى في إصابة أحدهما خطأ الآخر والكذب على الله تعالى خطأ أو عمد في هذا والكذب عليه عمدا أو خطأ في الآخر فإن المخبر يخبر عن الله أنه أمر بكذا وأباحه والآخر يخبر أنه نهى عنه وحرمه فأحدهما مخطئ قطعا. Donc le cheikh il mentionne ici les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Et en fait, ça, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça supporte qu'est-ce qu'on expliquait dans les cours précédents. Il dit que c'est bien connu, hein, qu'est-ce qui est connu de façon certaine, par les textes et par le consensus des sahaba et des tabi'in. وهو الذي ذكره الأئمة et c'est ce que les imams eux-mêmes ont mentionné que les mujtahidin qui ont des divergences au sujet des règles de la charia ils ne sont pas tous égaux hein? Les mujtahidin qui divergent au sujet des règles de la charia quand ils disent halal ou haram ou makruh ou mubah ainsi de suite. Eh bien, ils ne sont pas tous égaux, les imams, à ce sujet-là, parmi les mujtahidines, lorsqu'ils sont en désaccord entre eux et lorsqu'ils divergent entre eux. Ils ne sont pas tous égaux. Il y en a parmi eux qui ont une position qui est correcte, et il y en a d'autres parmi eux qui ont une position incorrecte, qui est une erreur. Et donc, le cheikh dit, فَالْكَلَامُ فِي مَا سَمَّوْهُ أُصُولًا وَفِيهَا Donc, il dit les divergences ou les paroles dans les choses qu'ils ont nommées ou désignées comme étant des fondements et les autres choses qu'ils ont désignées comme étant des furours, des branches, et bien ça se divise en deux. Qu'est-ce qui est en accord avec la vérité à ce sujet-là et qu'est-ce qui est incorrect ou qui n'est pas en accord avec la vérité dans cette chose. Donc ça veut dire soit que c'est correct ou soit que c'est pas correct. Donc c'est comme ça qu'on doit diviser les choses, que ce soit dans les usul ou dans les furours. Et ensuite il dit donc que si un savant dit, ou s'il y en a un d'entre eux qui dit cette chose est halal et qu'un autre dit cette chose est haram, c'est certain qu'il y en a un des deux qui a une bonne réponse, qui est correcte, et l'autre qui se trompe. Donc, en voulant dire que là, il ne peut pas y avoir deux réponses contradictoires et opposées ne peuvent pas être vraies en même temps, comme on le disait dans les cours passés. Quelqu'un ne peut pas dire halal et dire haram en même temps. Si un savant dit que c'est halal et l'autre savant dit que c'est haram, il faut qu'il y en ait un des deux qui se trompe. Et il faut qu'il y en ait un des deux qui ait raison. Ce n'est pas possible que les deux aient raison en même temps. Et donc, c'est ça ce que le cheikh il essaie de faire comprendre ici. Il dit donc que si quelqu'un dit Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être vu au jour de la résurrection. Ou bien il peut être vu. Hein? Il n'a pas mentionné nécessairement au jour de la résurrection. Il dit que si quelqu'un dit, par exemple, Allah peut être vu, et qu'un autre vient et qu'il dit non, il ne peut pas être vu. On ne l'a pas vu. Il n'est pas vu. Il faut qu'il y en ait un. Il dit, si on dit qu'un des deux a raison, ça implique automatiquement que l'autre a tort, même si on ne le dit pas. Hein? Il dit « Fi isabati ahadihima wa khata' al-akhar ». Ça implique ça, automatiquement. Et ça implique quoi maintenant si on dit ça? Si on dit qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, qu'est-ce que ça implique? Le cheikh dit ça implique qu'il y en a un des deux qui ment à propos d'Allah. Soit par erreur ou intentionnellement, ou bien que l'autre il ment à propos d'Allah intentionnellement ou par erreur. Ça c'est la possibilité. C'est un des deux qui ment à propos d'Allah. Ça c'est certain. Soit par erreur ou intentionnellement. D'accord? Et ça c'est c'est les deux possibilités des deux côtés. Un qui dit on peut voir Allah, l'autre qui dit on peut pas voir Allah. Il faut qu'il y en ait un qui ait raison, l'autre qui a tort. Si tu dis qu'un a raison, automatiquement ça implique que l'autre a tort. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il y en a un des deux qui ment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par erreur ou intentionnellement. Donc c'est ça ce que le cheikh il dit. فَإِنَّ الْمُخْبِرَ يُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِكَذَا وَأَبَاحَهُ. Parce que celui qui parle de la charia et qui fait un verdict de la charia et qui dit ça c'est halal ou haram, il est en train de dire à propos d'Allah que Allah a ordonné telle chose et il l'a permis. Tandis que l'autre, il dit, Allah l'a interdit, il naha anhu wa haramahu, c'est ça. Donc il y en a un qui dit Allah l'a ordonné et l'a permis, et l'autre il dit Allah l'a interdit et l'a rendu haram. Donc il faut qu'il y en ait un des deux qui soit dans l'erreur, et ça c'est certain. Et donc ça c'est un résumé que le cheikh Ibn Qayyim il fait dans As-Sawa'iq al-Mursala pour nous faire comprendre que c'est obligatoire qu'il y en a un des deux qui se trompe. Ils ne peuvent pas tous les deux être corrects. Ensuite, il y a une dernière parole de l'imam Ash-Shawkani. Et je voudrais juste mentionner que quand on parle de ces questions-là, ça c'est des questions, bien entendu, moi quand j'explique ces principes-là, ça ne veut pas dire que moi-même j'ai la connaissance de la vérité dans toutes les questions de la charia. C'est pas une condition non plus pour que j'explique ça non plus, hein, ou que les savants expliquent ça non plus. Mais par exemple, le cheikh qui a écrit le livre, le cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman, lui-même, il n'est pas, il y en a personne qui va dire que c'est il est au niveau de Cheikh Al-Albani ou Cheikh Ibn Baz ou bien à d'autres, au niveau de ces grands savants-là. Hein? C'est un talib ilm, un grand talib ilm, mashallah. Mais en même temps, il explique ces questions-là et ces points-là pour nous aider à comprendre par rapport à ce que les savants ont dit de ces sujets-là. Et donc, ça ne veut pas dire que nous, on est en train d'expliquer, que si quelqu'un est en train d'expliquer ces paroles-là, que lui, il est au statut ou au niveau de ces savants-là qui parlent. Hein? Ça c'est très important aussi de le comprendre, parce qu'il y en a des gens qui vont peut-être essayer de dire ah mais si vous êtes en train de dire qu'il y a la vérité et puis il y a le faux dans les positions des ulama, ça veut dire que vous prétendez que vous connaissez cette vérité là lorsque vous êtes en train de dire ces choses-là. Mais ça n'implique pas ça du tout. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas atteint le niveau de ces savants-là dans la, dans, en ce qui concerne la, l'islam et la charia et la connaissance de l'islam. On fait juste expliquer les principes. Toutefois, il y a des savants qui ont atteint ces niveaux-là de science et qui sont capables de distinguer ou de savoir dans différentes questions laquelle des positions est, est vraie par rapport à la preuve. Et il y en a d'autres qui n'ont pas atteint ce niveau-là et qui ne savent pas. Même, même vous allez trouver, par exemple, un savant qui, dans une question, il connaît les preuves et les détails et il sait la position qui est correcte, et dans un autre sujet, il l'ignore. Hein? Et il ne connaît pas le verdict. Donc c'est pour dire que c'est pas une chose qui est absolue et générale pour tout le monde. Et justement, à propos des divergences entre les ulama, je voulais juste mentionner peut-être une parole à ce sujet-là en ce qui concerne les causes des divergences des ulama, mais peut-être qu'on va le laisser à plus tard, parce qu'il y a des causes pourquoi les savants divergent entre eux. Hein? Et peut-être juste pour vous faire un résumé, c'est tiré des paroles du Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul dans son livre Al-Ikhtilaf wa Ma Ilayh. À la page 29, il parle des choses qui amènent les divergences chez les savants. Il y a différentes choses autour desquelles tournent les points sur lesquels on peut trouver des divergences, les causes, des points qui influencent les causes des divergences des savants. Premièrement, l'analyse des preuves. Min jihat an-nazar fi ad-dalil, min jihati thubutihi. Donc, par exemple, il y a des divergences qui peuvent arriver à partir du fait que, à partir de l'analyse que les savants font des preuves en ce qui concerne. Est-ce que ce sont des preuves qui sont authentiques ou non? Il peut y avoir entre les savants des divergences au sujet d'une preuve. Il y en a qui vont dire cette preuve elle est authentique, dans tel hadith il est authentique, et d'autres vont dire il n'est pas authentique. An-nazar fi ad-dalil min jihati dilalatihi. Ça c'est en ce qui concerne le dalil maintenant. On parle des preuves en particulier. Il y en a qui vont être d'accord sur le fait que la preuve elle est authentique. Il n'y a pas de divergence entre eux là-dessus. Toutefois, ils ne sont pas d'accord sur l'indication. Comment on peut utiliser ce hadith-là comme preuve? Ce hadith ou cette preuve, elle indique quoi? Il peut y avoir divergence entre les savants à ce sujet-là. Un il dit ça prouve telle chose, et l'autre va dire ça prouve autre chose. Hein? Et ils ne sont pas d'accord sur le verdict qu'ils vont extraire de ce hadith-là. Min jihati ihkami. Il y en a d'autres qui vont être d'accord sur l'authenticité, qui vont être d'accord sur la façon dont on extrait le verdict de ce hadith. Ils vont être d'accord sur le fait que c'est par exemple halal ou wajib ou haram ou makruh ou ainsi de suite, mais ils vont avoir une divergence entre eux sur est-ce qu'il est abrogé ou non et comment l'appliquer. Donc ça c'est une autre source de divergence. Parfois il y a aussi une divergence en ce qui concerne ils ne sont pas d'accord sur le fait est-ce que c'est un hadith qui est son sens est, on l'applique sa preuve de façon générale ou est-ce qu'il est restreint par une autre preuve ou ainsi de suite. Donc ça c'est en ce qui concerne ces choses-là, tu vois, il peut y avoir des divergences. Certains savants ils n'ont pas, à la page 30 il dit il y a d'autres causes. Par exemple certains savants ils n'ont pas reçu le hadith, d'autres ils l'ont reçu mais ils n'ont pas reçu ce hadith de façon authentique. D'autres, ils ont cru que le hadith était faible en se basant sur une ijtihad que d'autres savants ont contredit. Certains ont établi des conditions pour certaines règles, hein, pour établir certaines règles d'acceptation d'un hadith que d'autres savants n'ont pas établi. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres raisons aussi. Maintenant, en ce qui concerne le verdict lui-même aussi, il peut y avoir des causes et des divergences, en tout cas. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que les savants entre eux, quand ils analysent les questions, c'est beaucoup plus approfondi que nous, la façon comment nous, on analyse ces choses-là. Mais l'important, c'est juste de comprendre d'où viennent ces divergences-là et savoir les limites de quand est-ce que yani, quand est-ce que on peut dire que quelqu'un est en train de suivre sa passion et quand est-ce que quelqu'un est en train de vraiment à une excuse valable du fait qu'il a fait son effort et qu'il a fait son ijtihad et qu'il est sur le bon manhaj, mais qu'il a fait une erreur et qu'il s'est trompé. On ne peut pas mettre les deux à égalité, hein. Comme Jahm ibn Safwan, on ne peut pas le mettre au niveau de l'imam Ahmad ibn Hanbal, puis dire, lui, il a fait un verdict, Jahm ibn Safwan a parlé de la religion, puis il s'est trompé, et puis il a fait une ijtihad. Hein. On ne peut pas faire ça. Mais il y a des gens qui agissent de cette manière-là aujourd'hui, et qui veulent mettre les mubtadi'a au même niveau que les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a aujourd'hui. Et ça, c'est pas correct. Le Cheikh dit: وقال الشوكاني رحمه الله قيل وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية. أما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث وفيه نظر فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجودا وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع. Donc ça, c'est les paroles de l'imam al-Shawkani dans Fath al-Qadir, le volume 1, à la page 370. Il dit que certaines personnes ont dit, « قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ » Donc il y a des personnes qui ont dit que les interdictions de diverger et de se diviser, c'est uniquement dans les questions de usul, dans les fondements. Mais dans les questions qui ont rapport avec les base dans les branches qui ont rapport avec l'ijtihad, c'est permis de diverger. Et les sahaba ont divergé dans, et ceux qui les ont suivis également, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils ont divergé dans les règles et dans les événements qui se sont produits, ils ont divergé dans leur verdict à ce sujet. Et il dit, l'imam al-Shawkani, il dit wa fihi nazar, c'est-à-dire ça, c'est pas quelque chose qui est absolument correct. Hein. Il faut remettre ça en question. Hein. Pourquoi? Parce que même à l'époque des Sahaba, on trouve des gens qui dénoncent la divergence lorsqu'elle se produit. Comme on l'a expliqué dans les cours passés, il y a toujours eu entre les Sahaba des Sahaba qui réfutaient les autres. Lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ils se réfutaient les uns les autres et ils se corrigeaient les uns les autres. Hein. Et donc, de restreindre, de limiter certaines questions de la religion en disant qu'il est permis de diverger à leur sujet, tandis que sur d'autres, ce ne serait pas permis, ça c'est incorrect. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il y a certaines questions de la religion dans lesquelles on a le droit de diverger et que dans d'autres on n'a pas le droit. Donc le cheikh dit que les règles de la charia, elles sont toutes à égalité. Hein, toutes sur le même pied d'égalité, du fait qu'elles sont toutes rattachées à la charia. Et du moment qu'elles sont toutes rattachées à la charia, et qu'elles sont toutes attribuées à la charia, elles sont sur ce plan-là, sur ce point de vue-là, toutes à égalité. Et donc on ne peut pas dire que dans certaines d'entre elles, c'est permis de diverger, et dans d'autres, c'est pas permis de diverger. D'accord? Donc ça c'est un point intéressant. Puis il y a un autre point aussi qui suit dans le chapitre qui suit. C'est هل يؤخذ بأخف القولين عند الخلاف. qu'est-ce que ça signifie ce chapitre ou ce point? Est-ce qu'on doit prendre toujours dans la position la plus, est-ce qu'on doit toujours prendre la position la plus facile ou la plus légère quand il y a une divergence? Hein? Par exemple, s'il y a une divergence entre les savants, est-ce qu'on doit toujours prendre la position qui est la plus facile pour nous? Et ça, il y a des gens qui utilisent cette méthode-là. Ils vont, par exemple, voir qu'il y a une divergence entre les savants et ils vont dire, bon, étant donné qu'il y a une divergence, on va dire qu'on va prendre la position qui est la plus facile pour nous. Et ça, bien entendu, c'est incorrect. Le cheikh dit, « Wa qala al-Shatibi rahimahullah fil muwafaqat » استدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر الآية وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل ومن جهة القياس أن الله غني كريم والعبد محتاج فقير فإذا وقع التعرض بين الجانبين كان الحمل على الجانب الغني على الجانب الغني أولى والجواب عن هذا ما تقدم وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة فإن التكليف أو فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة ولذلك سمي تكليفا من الكلفة وهي المشقة فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطاهرات والصلوات والزكوات والحج وغير ذلك ولا يقف عند حد وإلا إذا لم يبقى على العبد تكليف وهذا محال. Ok, donc il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans le livre Al-Muwafaqat, le volume 4, de la page 148 et 149. Il dit que certaines personnes, ils essaient de se baser sur certaines paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier de prendre la parole, de prendre la position toujours la plus facile. Il mentionne des versets qui disent par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour vous la facilité. Hein? Il n'a pas voulu la difficulté. Yuridullahu bikum al-yusra. Hein? Al-yusra, c'est la facilité. Donc ils disent, Allah a voulu pour nous la facilité. Wa qawlihi wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas établi pour vous dans la religion aucune difficulté. Allah n'a établi pour vous dans la religion aucune difficulté. Et sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirar. Hein? Il n'y a pas de mal et puis on ne veut pas faire de mal aux autres également. Donc il se base là-dessus pour dire qu'il faut prendre toujours la position qui est facile. La darara wa la dirar, il faudrait retourner à la traduction parce que malheureusement j'ai pas la traduction du terme exact. Mais ça a un rapport avec ad-darar, c'est-à-dire le fait de faire du tort ou du mal à quelqu'un. Hein? Donc il faut pas en faire aux autres et puis il faut pas amener qu'est-ce qui peut amener du mal aux autres. Ou faire qu'est-ce qui peut amener du mal ou de la difficulté. Donc tout ça, c'est pour dire que, pour ils disent ça pour nier. Kullu dhalika yunafi shar'as ash-shaq ath-thaqil. Donc tout ça, ça indique ou ça montre que il y a une négation de la difficulté et que quelque chose soit lourd dans la charia pour nous. Et il se base également sur le plan du qiyas. Ils utilisent une analogie. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche et généreux. Et le serviteur, il est pauvre, il est dans le besoin et il est pauvre. Donc, s'il y a une opposition entre les deux, entre les deux côtés, on doit prendre le côté de la richesse, hein, de celui qui est riche, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant donné qu'il est riche, il faut prendre la facilité, hein, dans ce sens-là, puisque il est moins dans le besoin. Et, c'est-à-dire, on est nous dans le besoin, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a aucun besoin, il est al-ghani, il est le riche. Et dans ce sens-là, ils disent donc que on peut prendre la facilité dans ce cas-là, puisque Allah n'a pas de besoin. Et la réponse à ce sujet-là, le cheikh il dit, c'est comme on a expliqué. En fait, il dit ici, comme on a expliqué précédemment, on n'a pas, le cheikh il n'a pas cité dans le texte qu'est-ce qui était mentionné précédemment, mais il le mentionne en bas de page. Il dit wa huwa qawluhu al-hanifiyyah as-samha innama utiya fiha as-samah muqayyidan bima huwa jarin ala usulha wa laysa tatabbu'a ar-rukhas wa la ikhtiyar al-aqwal bit-tashahhi bithabitin min usulha wa qawluhu wa mawdi'u al-khilaf mawdi'u tanazu'in فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين وهو تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض لا الموافق للغرض. Donc ça ça explique qu'est-ce que le cheikh veut dire ici. Il dit la réponse à ça c'est que c'est al-hanifiyya al-samha. Al-Hanifiyya, al-Samha, ça veut dire quoi? C'est la religion qui est al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham, qui est al-Samha, c'est-à-dire qui est une religion de la facilité, de la tolérance, de l'ouverture, ainsi de suite. Ça, c'est pour dire que c'est uniquement limité par les fondements de la charia. Et ça ne veut pas dire ça que tu vas essayer de suivre toutes les permissions qui ont été données par les ulama par rapport à différentes questions et de choisir une position par rapport à tes désirs, hein, sans prendre en considération les fondements, hein, sans prendre en considération qu'est-ce qui est établi par les fondements de la charia. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils disent, ah, la religion c'est al-yusr, la religion c'est la facilité. Et donc, ils croient que dans ce cas-là, c'est permis de faire tout ce que tu veux et de choisir la position qui est toujours la plus facile. Hein? Donc, il va dire, bon, il y a un savant qui a dit que la musique c'était haram et il y a un savant qui a dit que la musique c'était halal. Donc, on va prendre la plus facile par rapport à notre situation. Et donc, il dit, bon, la musique c'est halal. Et il y en a d'autres qui vont dire, bon, les photos, il y a des savants qui ont dit que c'est haram, il y a des photos qui... les photos avec les caméras, il y en a qui ont dit que c'est haram, il y en a qui ont dit que c'est halal. Donc on va prendre la position la plus facile. Et donc ils se disent dans ce cas-là, khalas, il y a des gens qui ont dit que c'est permis, on va prendre ça, c'est plus facile, on le prend. Et ils suivent uniquement qu'est-ce qui est en accord avec leur passion, sans retourner, sans se limiter à qu'est-ce qui est établi par les fondements de la charia. Et ils suivent toutes les positions des savants qui rendre les choses faciles pour eux. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle tatabbu' ar-rukhas, hein? Des gens qui ont dit que certaines choses étaient permises dans des cas de, par exemple, de nécessité. Eh bien, eux, ils vont établir la nécessité comme si c'était une règle générale. Et ils vont l'appliquer à toute situation. Hein? Comme si, bon, ben, il y a des gens qui ont dit que c'était permis dans les cas de nécessité. Et donc, ils vont élargir les questions de nécessité et puis ils vont en faire une règle générale. Et puis, comme si, par exemple, par la suite, si tu viens pour dire, par exemple, cette chose est haram, ils vont dire, mais non, dis pas que c'est haram, il y a des savants qui l'ont permis dans les cas de nécessité. Non, là, c'est des gens qui déforment la réalité de l'islam. Parce que le fait que ce soit permis dans les cas de nécessité, ça, c'est pour des choses haram à la base, comme par exemple le porc, c'est permis dans les cas de nécessité. Si tu vas mourir, si tu es dans le désert, tu n'as rien à manger, et puis tu trouves un animal qui est mort, qui a été tué ou des choses comme ça, qui est mort sans qu'il ait été égorgé, et tu ne veux pas mourir, tu vas prendre juste une quantité nécessaire pour ne pas mourir, tu vas manger juste un peu. Ça, c'est une permission. Mais c'est une permission qui est basée sur le fait que c'est haram à la base, mais Allah, il te permet, en cas de nécessité, d'en manger pour rester en vie. Donc, à la base, c'est haram, Mais dans les cas de nécessité, c'est permis, dans la limite de qu'est-ce qui est pour te garder en vie. Mais eux, ils vont faire une règle générale. Et ils vont dire, c'est permis. Ils vont dire, c'est permis. Sauf, il ne faut pas dire le verdict général, il faut juste dire que chaque personne individuellement, il a son propre verdict à ce sujet-là. Non, ça, c'est pas correct. Il y en a qui disent parfois, justement, qui disent ça, ils disent, non, Akhi, il ne faut pas dire que ça, c'est haram. Parce que chaque personne a sa situation différente. Il y en a pour certains, ils ont des difficultés ou des situations difficiles, et pour eux, c'est permis. Oui, mais ça, c'est pas le verdict général. Ça, c'est des cas de nécessité. Et peut-être que dans leur cas, c'est vrai qu'ils rentrent dans la nécessité, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Et l'important, c'est de mentionner le verdict à la base, le verdict général. Et donc, par la suite, si tu veux savoir est-ce que tu rentres dans la nécessité ou non, tu communiques avec un alim, avec un savant, et lui, il va te dire est-ce que dans ton cas à toi, c'est une nécessité ou non. Mais c'est pas de dire à tout le monde, il y a des cas de nécessité, et ça c'est une nécessité. Alors là, dans ce cas-là, tu ouvres la porte aux gens pour qu'ils puissent suivre leur passion. Hein? C'est comme les questions de riba, puis d'acheter des maisons avec riba, puis des choses de ce genre. Dans les maisons. Il y en a qui achètent maintenant des maisons avec riba, et qui disent que ça c'est une fatwa d'un savant qui a dit ça. Et ils se basent sur une fatwa qui est soi-disant faite pour un cas de nécessité. Et ils en font maintenant une règle générale. Et ils achètent des voitures avec riba, et ils achètent des maisons avec riba, et ils achètent des commerces avec riba, et ça finit plus maintenant. D'accord? Donc ça, c'est pour dire comment parfois les gens, ils jouent avec les principes de la charia de cette façon-là. Après, il dit aussi, « Wa qawluhu », ça c'est dans la page 4, à la page 145, volume 4, à la page 145 dans Al-Muwafaqat, il dit que les questions de divergence, yani, c'est pas permis de les ramener aux passions de nos cœurs ou de nos âmes. فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة. On ramène pas les divergences à nos passions. On ramène les divergences à la charia. وهي تبين الراجح من القولين. Et c'est de clarifier qu'est-ce qui est rajih dans les deux positions. S'il y a deux positions à propos de quelque chose, alors dans ce cas-là, on doit retourner aux preuves de la charia pour le déterminer et trouver la position qui est le plus correcte. Et non pas se baser sur nos passions et nos désirs pour déterminer ce qui est permis ou non. Et non plus, le cheikh il dit par la suite, fayajibu tiba'u. Une fois que tu as trouvé qu'est-ce qui est le plus proche de la vérité, qu'est-ce qui est supporté par les preuves dans une question, alors c'est obligatoire pour toi par la suite de le suivre. De suivre cette vérité-là. Et non pas de prendre qu'est-ce qui est en accord avec tes intérêts. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils vont suivre uniquement qu'est-ce qui est en accord avec leurs intérêts. Et ça, c'est pas correct. Donc, ensuite, le cheikh, il dit donc, ça c'est pour expliquer qu'est-ce qui avait été mentionné auparavant. Et donc, c'est ça qu'il dit. La réponse, c'est à ce sujet de la question de la facilité dans la religion et de prendre la position la plus facile, c'est limité par les fondements de la charia et par les principes de la charia. Hein? Et donc, وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط تكليف جملة. Donc, si tu te bases sur le fait de prendre uniquement qu'est-ce qui est le plus facile dans la religion, eh bien, ça va amener quoi? Ça va amener que tu vas annuler complètement toutes les obligations et les charges que la charia a mis sur les serviteurs. Et les principes, en fait, en principe, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a les ordres qu'il nous a donnés, les obligations qu'il nous a données, qu'il nous a ordonnées, eh bien, à la base, ce sont des choses qui sont lourdes à prendre. Hein, ce sont des charges lourdes. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle, même à la base, on les appelle taklif, à cause de ça. Et le cheikh il dit wa min awdah al adilla fi dhalika al hadith alladhi rawahu al imam muslim huffat al janna bil makarih wa huffat al nar bil shahawat katabahu abdul muhsin al abbad al cheikh abdul muhsin al abbad wa raji' lil fa'ida mu'jam al manahi al lafdhiyya li bakr abu zayd. Donc il dit ici le cheikh les preuves les plus claires du fait que la charia à la base elle a été on appelle la charia à la base on l'appelle taklif, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, les charges qu'on a de la, qui sont établies sur nous par la charia, on l'appelle taklif justement parce que c'est quelque chose qui est lourd et dur et difficile, hein? Donc c'est ça. Et le cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, à ce point ici, il a dit, et parmi les preuves les plus claires à ce sujet-là, qu'est-ce qui est rapporté par l'imam muslim? L'imam muslim il rapporte le hadith qui dit « Le paradis a été entouré par Al-Makarih », c'est-à-dire le paradis a été entouré de choses qui déplaisent, qui nous déplaisent, et l'enfer a été entouré par les désirs, et par les passions et les désirs. Donc c'est pour dire que ça c'est une preuve que la charia c'est venu avec une certaine difficulté dedans. Sauf que dans la difficulté, dans les charges que Allah nous a mis sur nous, il y a une facilité dedans. Allah il facilite les choses quand même. Mais la facilité de la charia, elle est dans la charia. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis des règles pour faciliter la religion à l'intérieur de la religion elle-même, comme par exemple quand on est en voyage, hein, il nous a donné des facilités. On peut réunir des prières ensemble, on peut les raccourcir. Quand on fait le wudu par exemple, si on porte des choses dans nos pieds, on peut passer les mains sur les bas ou sur les chaussettes et les choses qu'on a dans nos pieds, si on allait respecter les conditions. Donc ça c'est des exemples de facilité dans la charia, et il y a beaucoup d'autres règles aussi dans ce sens là qui nous montrent qu'il y a des règles de la charia, il y a des choses qui nous ont été ramenées dans l'islam pour nous faciliter la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'à la base on doit toujours chercher la facilité, contrairement à certains qui essaient de dire bon écoutez, on vit en Occident, on vit au Canada ou à des pays non musulmans, en France, en Europe, en Occident, et quand tu veux travailler c'est difficile de porter le voile, de porter le djilbab et tout, donc on va juste mettre des jeans avec un truc long, hein, et en haut, et puis on va mettre des pantalons en bas, puis un petit foulard sur les cheveux, et puis comme ça on va être accepté, on pourra travailler. Et donc ça c'est la facilité, c'est la religion qui est facile, mais ça marche pas comme ça la religion, c'est-à-dire c'est pas la facilité dans la religion, ça veut pas dire ça, comme par exemple quelqu'un qui dirait ben écoute on peut pas prier au travail donc on va réunir toutes les prières ensemble le soir. La religion, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si les gens agissent comme ça et ils parlent de la facilité de cette manière, eh bien, il n'y a plus rien qui va rester dans la religion. Donc, le cheikh, il dit donc qu'à la base, c'est pour ça que la charia, elle est venue comme une charge, et donc c'est une certaine difficulté. Et donc, si c'est une difficulté du moment que c'est relié à ce qu'on appelle at-taklif, c'est relié à ce qui a été mis comme obligation sur nous et comme une charge sur nous, ça implique que d'enlever cette charge-là, ça veut dire que si tu dis que tu dois prendre uniquement la position facile, ça implique que tu enlèves cette charge. Tu l'enlèves complètement, ça c'est incorrect. L'azimam dhalika, ça implique que tu vas l'enlever dans la purification, dans les prières, dans les zakats, dans le hajj et dans les autres règles. Et donc il n'y aura aucune limite à cette façon de suivre qu'est-ce qui est le plus facile. Hein? Et donc il ne restera plus aucune charge sur le serviteur. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Parce qu'il y a eu des divergences dans les questions de purification, dans les questions de la prière, dans les questions de zakat, dans le hajj. Il y a eu parfois des divergences. Et donc si tu vas toujours prendre la position la plus facile dans toutes ces divergences-là, eh bien, tu vas enlever la charge et la les obligations sur le serviteur parfois, et donc ça va amener à quelque chose qui est impossible à la fin. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera ça demain, Inch'Allah, dans la suite de ce cours, bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته